Angela. Celle que je veux, c'est toi. Même si papa ou pas là. Angela, Angela. Soit marraine, y'a moi bagage, ouais, là, qu'elle soit marraine.